rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Tunisiano. Passez une bonne soirée, c'est parti pour le Planète Rap avec Tunisiano qui est là en pleine forme. Comment tu vas, Fredo? Bah écoute, très bien, et toi? Bah oui, ça va, on est là, toujours là, la semaine est en train de... Elle avance à grands pas. Elle avance à grands pas, on est déjà... Quelle soirée, c'est ça? Jeudi. Ouais, jeudi. Ah oui, je me croyais mercredi, non, jeudi déjà. Non, non, ouais, jeudi, gros. Le temps passe... Ça passe très vite. Le temps passe très vite. Ça passe très vite. Marqué à vie. Exactement. L'album, il est toujours dispo depuis lundi. Depuis lundi. Donc, écoute, pour le moment, tout se passe bien. On est toujours sixième au top iTunes. Merci pour votre soutien. Merci pour ceux qui m'envoient des messages également. Et puis, c'est toujours la même réplique, hein. Ça veut dire envoyez vos messages. Hashtag Tunisiano sur Skyrock. Je réponds à vos questions si vous en avez. Mais bon, ça va être un peu compliqué vu que j'arrive pas à tout lire. Mais en tout cas, vos messages de soutien, c'est cool, quoi. Et bah, allez-y avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. Petit point sur ce qu'on a fait hier soir dans l'émission. Petit récapitulatif. Allez, je te laisse. On a passé JCVD hier. JCVD, ouais. Le morceau qui est sur l'album Marqué à vie. Ouais. Il y avait un morceau de Vald aussi qu'on a diffusé. C'est petit coup de cœur de Tunisiano. Ouais, il est même signé sur ta structure. Exactement. Ça veut dire artiste qu'on est en train de développer et son album en préparation. Il devra arriver. Là, il y a son projet qui arrive ici d'ici cet été. Eldon a été un des morceaux qu'on a diffusé aussi. Gros morceau de l'album. Morceau touchant. Morceau personnel. L'un de mes morceaux préférés, c'est un petit titre qui parle de la grossesse de ma femme, de ma fille. Voilà. Kéfir de Saint-Etienne qui nous avait fait un freestyle hier, qui était revenu sur toute ta carrière. Ouais, il connaissait bien d'ailleurs, lui, c'est vrai. Il disait, ouais, le morceau qui m'a marqué, c'était celui-ci. Ça, je rappais en VO, gros. Hein, avec des sous-titres. Pris pour cible. Pris pour cible. Ça, tu le fais encore en concert, t'es obligé de faire des morceaux comme ça. C'est classique, tu es obligé de les faire. Ça, gravé dans la roche, sans repère, c'est le genre de titre que je fais à chaque concert. Donc, par exemple, le 20 mars à la Boule Noire, le 20 mars, ça veut dire quoi? Petit medley de Sniper. Ouais, il y aura forcément le medley de Sniper, et puis en même temps, ça me permettra de vous faire découvrir l'album Marqué à vie. Puis enfin, pour conclure avec ce qui s'est passé hier soir, on a eu le droit à un gros freestyle puisque tu n'es pas venu seul hier soir. Ouais, hier, j'étais avec Vald, premièrement, et avec des amis à moi de Bajo qui sont venus, qu'on freestylait, donc c'était un bon petit freestyle comme j'aime faire. Et ça donnait ça hier soir. Vas-y, balance. T'enchaînes pilon sur pilon, normal tu t'en bats les couilles. Oui, ton silence en dit long, à croire que tu parles à des genoux, une combine. Et petite magouille pour les sous, on s'est fait seul, tous les petits sont maboules, risquent leur vie sur un starcoup. Et cours après nos aïreilles ou après un nichon. L'amour donne des ailes, tu t'es changé en pigeon. Et je dis jonc, frère, M6 en paille, pas là pour niquer des mères, mais la tienne c'est pas pareil. Tu marques à vie. Oui. C'était le feu hier. C'était lourd. Marqué à vie. Gros freestyle qu'on peut retrouver sur skyrock.fm à l'instant avec Tunisiano, qu'on écoutait principalement, mais il y avait plein d'autres hier soir en freestyle. Oui, c'est pour vrai. Ça que je dis qu'il est dispo, on peut le voir en intégralité sur le skyrock.fm. Allez checker ça. Allez checker. Bon, ce soir, que se passe-t-il dans l'émission? Ce soir, je continue de vous faire découvrir l'album Marqué à vie, qui est toujours disponible depuis lundi. Et puis, par la même occasion, je vais avoir un invité de marque. Il arrive là, il a un petit retard, mais bon, surprise, c'est en train d'arriver. Donc voilà, tu connais le genre de bail. Un petit indice ou surprise? Tranquille. Après le titre, okay, je te lâche un indice. Et le titre avec lequel on débute maintenant, c'est Marqué à vie. Parfait. Featuring Doku. Doku qu'on salue, qui est venu d'ailleurs dès lundi, il était exactement, là. Exactement, le titre de l'album d'ailleurs, donc voilà, je vous fais découvrir ça. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock Planète. C'est parti là, flashez vos messages. Tunisiano. Hashtag Tunisiano sur Skyrock. On vous écoute, je suis en train de vous lire aussi par la même occasion. Balancez tout ça. L'album, il est dispo, la mif. Et le 20 mars à la Boule Noire. Yeah. Parce que je manquais à vie. Parce que je manquais à vie. Parce que je manquais à vie. Marqué par mon époque, je chante les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je manquais à vie. Tout comme toi, je suis fort. Les aléas de la vie, même quand le diable frappe à ma porte. Parce que je manquais à vie. Parce que je manquais à vie. Parce que je manquais à vie. Parce que je manquais à vie. Je marquais par la vie, marqué par par les conflits, marqués par l'époque larguée. Corps meurtri, trop tôt sont partis des potes charclés. Pas de beau roman, les sentiments sont en papier, trop émouvant. C'est jamais le bon moment pour en parler. Pourtant, simple haut-parleur qui est ton narrateur écorché par la vie et les pleurs. J'écris au cœur du bûcher. Dans le jeu de la haine, ils sont tombés. On met le feu à la plaine, continuez. Le prochain pompier sera le Ben en quarantaine. On erre à ciel ouvert, on prime. Ils ont recouvert la misère comme dans une scène de crime. Décidé à faire mouche, j'avance en tous en planque. Le diable me tente, nous mousse, me manque enfermé. On simule attendant que le cœur ressuscite. Personne sort de sa cellule avec les clés de la réussite. On s'invite sans préavis, t'es pas ravi. On est high et banni, on est marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon épaule. Je saute la cicatrice, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie. Donc où l'enfant du peuple, ça vient de Rouen tout ça. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Courtisé par le diable, présumé coupable. Ma vie n'est pas rentable, abusé. Et je vais les baiser sans code parental. Et trim pour que dalle, quand dehors c'est la mousson. Tu cherches ta soif d'idéal, un peu comme Alain Souchon. J'avance dans les bouchons, donc pas près de me faire flasher. Le cœur en téflon, y'a qu'en voiture qu'on peut s'attacher. Mon son te concerne, il le fallait. Suicidaire sur un charlet en concert, j'ai découvert à qui je parlais. Dans la compète, sur ma tête que je vais les tordre. J'arrive à vie de tempête sur le game. Il pleut des cordes à la conquête du titre, mais qui pourra me la fermer rap avec les tripes rap comme si c'était le dernier flip sur l'époque. Tu cliques sur des vieux schnocks, ils nous escroquent. T'as la trique, ils font du topless dans les clips. Mais fuck, ça on dit long, mis tu kiffes sur des raclures. Choisis un mec à de l'ambition, soit que ça paye pas. L'album c'est marqué à vie, gros sang. Marqué à vie, marqué par mon épaule. Je saute les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie. Tout comme toi, je suis punk. Les aléas de la vie, même quand le job va pas m'importe. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie, marqué à vie. Marqué par la vie, les braves gens sont opprimés. Mis de côté, salis ou sous-estimés. Montrer qu'on est à la hauteur. Yeah. Oui, fier de nos valeurs. L'album c'est marqué à vie. Le 20 mars à la boule noire. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Dans les bacs. Parce que je suis. Merci pour vos messages. Hashtag Tunisiano sur Skyrock. Parce que je suis marqué à vie, marqué par mon épaule. Je saute les cicatrices, les cris et la révolte. Oui, je suis marqué à vie. Tout comme toi, je suis punk. Les aléas de la vie, même quand le job va pas m'importe. Parce que je suis marqué à vie. Ray, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Si, si, je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Parce que je suis marqué à vie. Marqué à vie. Marqué à vie, c'est aussi le nom de l'album de Tunisiano. Voilà, rien de tel pour commencer l'émission, ma gueule. Avec Doku qu'on écoutait à l'instant. Voilà, l'enfant du peuple, l'enfant originaire du de Rouen, qui est venu là avec sa team lundi. Lundi. Et puis il nous a fait découvrir un titre aussi par la même occasion. Donc voilà, le titre c'est Marqué à vie, c'est le titre de l'album aussi et il est dispo. Ouais, l'album est dispo depuis lundi, Tunisiano avec nous tous les soirs de la semaine. Entre... Hey, une question, est-ce que t'as écouté l'album? Bah oui, j'ai écouté l'album. Alors, oh là là, la est-ce que t'as écouté l'album? Tu vas me dire maintenant. Tu vas me dire maintenant, espèce de con, hein. Non, et ton ressenti? Eh ben mon ressenti, je vais te le dire. Tu veux que je te donne mon top 3 ou pas de mon son préféré? Vas-y, je veux bien. Bon, alors dans des genres un peu différents. Moi j'aime beaucoup le moot. Ok, lourd. Le moot. Bon, hormis le marqué à vie aussi qu'on vient de passer aussi, il y avait le Il nous condamne. Featuring Youss. Ouais, que j'aime plus au niveau des paroles, au niveau des lyrics, ouais. Et au niveau de la construction de ce morceau. Et puis il y a un titre aussi qu'on n'a pas passé, peut-être qu'on avait promis de le passer hier, un morceau qui s'appelle Carré. Oui, mais celui-là, je pense qu'on va se le réserver, se le réserver pour un peu plus tard. Parce qu'on l'avait promis, voilà. Après, évidemment, moi j'ai bien aimé ton retour avec Hurricane Carter, avec le clip aussi qui est arrivé au tout début, qu'on a pu voir. C'était le premier truc qui a été balancé, je crois. C'est ça, exactement. Si Hurricane Carter, qu'on a clippé dans le sud de la France. Et puis après, bon, il y a eu un laps de temps qui s'est passé. Et puis après, il y a eu État Sauvage dans la foulée. Et puis, etc., etc., il y a eu pas mal de trucs. Et je te cache pas qu'en ce moment, le morceau que j'écoute aussi beaucoup, alors peut-être que vous l'avez fait en live, ça a changé, c'est le Val d'Ozoave. Ah, Val d'Ozoave? Ouais. Un gros classique, celui-là, j'espère que ça va en devenir un, ça serait lourd. Celui-ci avec Lino, je t'avoue qu'il rentre aussi. Il est bon. Dans mon top. Bon, bah écoute, magnifique. Ça te va, ça te convient? Ouais, ou... ça me va, gros. Non, mais je voulais savoir. Dans des styles un peu différents, voilà, que ce soit au niveau de l'écriture ou au niveau des morceaux et des sonorités qu'il y a dessus, voilà. Vas-y. Balancez votre top 3 aussi, hein, les auditeurs. Oui, bah, c'est quand même plus important, allez-y. 41-759. Très bonne question, très bonne question. Envoyez votre hashtag Tunisiano sur Skyrock et envoyez votre top 3. Bon, là, Fredo, il l'a balancé. Maintenant, j'attends le vôtre. Je suis en train de lire tous vos messages et puis on n'oublie pas surtout que on fait toujours gagner des petits cadeaux, hein, comme tous les soirs. Et non, je suis en train d'halluciner sur le message de Takar qui vient d'arriver, qui dit voilà, je l'ai pris ton album sur iTunes. Mm-hmm. C'est le deuxième après Medine et j'ai acheté que vous depuis l'école du micro d'argent. Lourd, gros. Big up Takar 60. Ouais, Takar. L'école du micro d'argent d'IAM, c'était quoi, 99? Ouais, mais 98. iTunes ça existait pas, donc à mon avis il l'a pris récemment. 98, ouais. Hein. Ouais, sûrement. Ouais, 98, 99. Mais bon, c'est quoi, t'es un vrai militant, gros. Ça tue. Takar, il a 3 albums. Magnifique. Non, après, je pense que. Heureusement que t'es arrivé. Non, ouais, heureusement que t'es. Ouais. Hey, moi, je t'ai dit, ça fait du bien au rap français. Heureusement que je suis arrivé. Heureusement que t'es arrivé parce qu'il écoutait depuis 12 ans le IAM, l'école du micro d'argent et Medine. Commence à connaître un peu les titres par cœur. Ouais. Voilà, t'es tranquille pendant 10 ans, Takar. Hein. Ouais, si c'est un gros classique, t'es tranquille pendant 10 ans. Lourd. Allez-y pour vos messages 41, parce qu'il est trop fort. Ok, Val de Zoie, faire de lance, Mout pour Amel, lourd. Ok, continuez. Hein. Mariage forcé, on nous dit, elle donne tout. La belle Tuntia qui nous envoie ça. Allez, Nana, oui, ça m'étonne pas. Mariage forcé, elle donne tout. Forcément, des morceaux qui touchent un peu. Moi, elle donne tout, il m'a touché. Mais... Ouais, j'ai des potos à moi qui. Elle donne, il la kiffe. Hein. Parce que quand tu rentres dans le monde des darons. Ouais, non, même, il y en a même d'autres. Ouais. Tiens, Hurricane Carter, marqué à vie, Mout. Ok, lourd. Il sort beaucoup le Mout, hein. Le clip est arrivé là. On l'a balancé lundi, ouais. D'ailleurs, allez le checker. Il est sur notre page YouTube et sur nos pages officielles, que ce soit sur Twitter. Tunisiano Mood, vous le tombez dessus direct. Voilà. Ou même sur mon Facebook, Tunisiano, venez checker. Et puis voilà, tu veux un indice, moi, pour l'invité de soirée ou pas? Oui. Ok. Ah, il est dans le coin? Je vais juste commencer, Eryx. Je vous présente. Et ça commençait comme ça, le morceau. Ouais, moi, je dirais 33% pour ceux qui vont comprendre. D'accord. Ok, donc bon, ça c'est l'indice. Dites-nous un peu qui va débarquer dans quelques minutes. Normalement, mon premier est un pays con. Mon deuxième, et mon tout est. Mon tout est. L'invité de ce soir. Ah ouais, c'est trop chaud. 33%. Allez-y, si vous avez une proposition pour la personne qui devrait débarquer dans le studio. 41-759. On va écouter un morceau, mais il y a une question aussi à poser. Oui. Est-ce qu'on la fait maintenant, la question? Ouais, vas-y, comme ça c'est réglé. Bah en fait pour gagner la chicha électronique, hein, comme on a l'habitude de le faire, je vais vous poser la question, faut répondre forcément avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock, c'est quel est mon parcours complet. Depuis le début de ma carrière, ça veut dire ça retrace tous les albums, toutes les apparitions, tous les albums que j'ai pu sortir. Donc allez-y et essayez de le balancer dans l'ordre. Eh ben allez-y, 41-759. On va voir si avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock. On met un morceau de l'album? C'est parti. Lequel? On balance Jeune de Tess. Ok, Jeune de Tess, c'est le morceau qui a été le plus demandé justement sur les réseaux sociaux de Skyrock. On a beaucoup demandé ce morceau. Oui, je sais. Les gens aiment la bonne musique. Ils aiment le bon rap, ils aiment le rap hardcore. Mais qui es-tu, toi, qui parles depuis tout à l'heure? En fait, on l'a même pas présenté. C'est l'homme Fantomas. Caché. C'est Microbe. Le mec Microbe est là, il prend le micro. Non, c'est Mercus, c'est le gars de l'équipe. Voilà. C'est la sauce, ça veut dire. Il y a Mercus et il y a Tefa. Et donc voilà, quoi, c'est mon sauce. Et Mercus, il est là, il salue tout le monde, il donne des indices. Et de temps en temps, il revient à l'antenne, de temps en temps, il est parti. Ouais, c'est sympa, c'est un électron libre. Tu vas annoncer le morceau, hein, vas-y, Mercus. Jeune de Tess, prod de Corrie. Vas-y, fais-le. Une de frappe nucléaire que seul Tunisiano sait le faire dans le paysage musical français. Oh, ça c'est bon. Big ça. Up à lui, big ça, up à bon, Corrie qui nous écoute à l'autre bout de la terre. Laissons parler la musique. Il est bon. Écoutez ça les gars. Envoyez vos messages et envoyez vos réponses surtout. Hashtag Tunisiano sur Skyrock. Yep. Jeune, c'était si futé, imbécile, indécis, cheaté, buté, agressif, gosse, de banlieue, ambitieux, pour la gagne, vicieux, normal, amoureux de la castagne, en mode terre-terre, alcool et beurre, gros chiffre, gros spliff, épaule, buissonnière, regard, glacé, d'un froid hivernal, ne veut que brasser, amasser et faire mal, afficher, fâcher sur l'état, aime cracher, aime tricher, se péta, niquer, se casser, masquer, c'est cicatrice, fonce des au volant, permis, factice, insolent et violent, vit dans sa matrice, pas contre la planète, hésite entre être artiste ou revendeur de barrettes, être love, elle pisse, ça, il s'en passera, il veut juste que ça glisse, que tu jouisses, que tu... Ah Mise, lunettes de soleil sur le pif. Ce soir il nique sa SMI et attaché au pif. Dans le monde taffé, il n'en connaît pas sa définition. Oui, l'on a vendu des litres, hein, faisant partie de l'élite, hein. Baigne dans l'illicite où le chétan ne fait l'arbitre. Un petit troca, c'est mini. Tu l'as mise dans les seufs, t'as sorti le 9 mini. La vaseline et les potes. Tu rix ça illégalement pour le ro rafale de balles dans leur maman. Et du coup t'es rentré, t'es sorti. Tu as pris de la cote, hein. T'es rentré, t'es sorti. Nous sont passés tes potes en rage. Tu te refais, fuck ceux qui t'ont dupé. Ils t'ont volé ta fierté, donc ta haine a décuplé. T'sais, ce n'est qu'un meuble, tu peux pas freiner. Un bellule qui se laisse engrainer. Soul, animal galeux, élevé sans grand frère. Amène Pascal, il va lui niquer sa mère. L'album se marque à vie, il est dispo gros depuis lundi. T'as rien compris si tu l'as pas pécho. Pour lui les meufs ne sont qu'un bout de chair de dos vers qui tapine. Il ne les considère hop, fait belette à ta frangine. Et le mec est misogyne, il mettrait bien à l'affiche toutes ces putes ni soumises dans un grand spectacle échangiste. Pour lui sa femme fait la vaisselle, fait la bouffe et balise. Fait la bouffe, ferme sa gueule ou bien il la brutalise. Père sa vie à la gagner, calme ses nerfs à la console. Afin de ressembler à quelqu'un, il se tatoue et pousse le sol. Macho par excellence, et ses pasteurs traînent dans les quartiers UP. Afin d'y faire ses affaires, un piece la ping. Sérieuse mise à l'amende, un fou rouge, un carjacking. Repart au volant d'une allemande, et marque dans sa peau, toujours en mode contestataire. Cache son opposition derrière un style vestimentaire. Pour lui le malaise est social, le problème est ethnique. Viendrait de la considération portée au peuple d'Afrique. Et à des idées sombres qui va vagabonde et qu'il gobe, qui dirait comme quoi le peuple feu, je dirige le globe. Oh, mon fond, fier de l'étiquette qu'il endosse. Tous ces hommes bouffeurs de zob devraient cramer à Mykonos. Et à deux sérieux soucis, pas très dociles dans sa tête, l'intitulé d'une soirée michouille où la synagogue a brûlé. Habitué à être rejeté, au lieu de lui apprendre à vivre ensemble, il ne trouve sérénité qu'auprès de ceux qui lui ressemblent. Et entretien d'embauche, son look est cramé. Délit de sale tronche, ça tout au long de l'année. Il n'aime que lui et les siens, ne mélange pas pour vrai sel. Il préférait crever que voir sa sœur avec un kel. Pour lui un zoulou ou un carlouche pourrait salir son linge. Il aime les insultes et les singes. En fond de banlieue que sa couleur a détruit, qui vit dans la peur, dans l'odeur et le bruit. Et le cœur en conflit, les idées assombries. Il ira jusqu'au bout, quitte à mourir incompris. Et tout ce qu'il accomplit n'est que violence, injure et abus, malveillance quand l'individu est barbu. Oui, il a arrêté le chant, fini de se cloître dans sa chambre. Pour lui, tout a changé depuis le 11 septembre. Et depuis, et tout va mal. Il les insulte de bâtard, haine viscérale envers ces hommes qui disent Allah Wakbar. Ils ne voient que des sadafistes en pleine recrudescence, des bâtons d'explosifs qui prient dans les rues. Sa France n'est plus qu'un triste reflet immonde, pas le pays des droits de l'homme mais la poubelle du monde. Et tant de clichés, mais est-ce que ce monde est sérieux? Mais qui est vraiment ce jeune de banlieue? Ce jeune de banlieue. Mais qui est vraiment ce jeune de banlieue? Mon sauce, l'album s'est marqué la vie. Je vous donne rendez-vous le 20 mars à la Boule Noire. L'album il est dispo, allez le pécho. Il y a du gros rap, du vrai rap. Yep, dédicace à l'équipe. Cory à la prod. Si si. Le morceau s'appelle Jeune de Tess à l'instant. Il est sur l'album Marqué à vie de Tunisiano, notre invité, entre 20 et 21. Et c'est le morceau qui a été le plus réclamé. Ouais, beaucoup, beaucoup de demandes. On l'a balancé en plus celui-ci. Ouais, on l'avait balancé le premier jour. Premier jour, c'est en début de semaine qu'on avait balancé ce morceau. Et voilà, c'est un titre qui ressort énormément. Bon, il y a celui-là, il y en a pas mal d'autres aussi. Il y a Eldon, il y a tout ça. Après, il y a même Les Oreilles qui sifflent que j'ai envie de faire découvrir aussi, que je vais essayer de le passer tout à l'heure. Bah, on arrive dans quelques minutes. Tu as posé une question. Oui. Il y a juste avant le morceau. Avons-nous eu des bonnes réponses avec le hashtag Tunisiano sur Skyrock? Rappelle-nous la question s'il te plaît, Tunisiano. Ben, en fait, je voulais qu'on me rappelle le parcours que j'ai fait avec ton parcours. Voilà. Que ce soit avec Sniper, ou avec... solo, ou même avec le groupe de mes débuts. Donc voilà. Alors nous avons normalement, c'est Lilian, c'est ça, par téléphone. Allô Lilian. Oui, allô. Ça va bien? Ah. T'appelles d'où Lilian? De Bordeaux. De Bordeaux. Si si, décidément, Bordeaux, il y en a beaucoup, hein. Ils sont forts là-bas. Ah hein. Ouais, ils sont chauds. Ouais, ils sont bons. C'est la West Coast. Tunisiano. Ça va Lilian, quoi? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va. On a vu ton message passer, on a dit c'est bon, c'est lui. Tunisiano a posé une question. Est-ce que, on va quand même vérifier avec toi, est-ce que tu as la bonne réponse? On t'écoute. Vas-y, je te laisse. D'accord. Donc, déjà, il y a BOSS. Il y a M-Group. Ok, c'est ça. Attention, Lilian. BOSS. Ouais, c'est vrai. Ensuite, il y a Du Rire aux Larmes. C'est ça. Ça, c'est avec Sniper. Ensuite, Gravé dans la Roche avec 2003. Sniper encore. Ouais, c'est ça. Oui, 2003. 2006, c'est Attrait pour Trait. Ouais. 2011, enfin 2008, c'est Le Regard des Gens. Exact. En solo. Ouais, c'est ça. 2011, il y a À toute épreuve avec Sniper. Exact. Et là, depuis le 10 mars, c'est Marc et Ali. Bravo, lourd, mal, les gars. Bravo. Lourd, les gars, lourd. Quelle carrière, Tunisiano. Ah, du bruit pour Lilian. Ouais, ma gueule. Eh bien, Lilian, c'est pour toi, c'est le cadeau du jour. Alors, quand tu gagnes une chicha électronique, t'as marqué Cookie, gros. Eh ben, ça roule. T'as une question à poser à Tunisiano, tu veux rajouter un mot, faire une dédicace en écoutant la ouais, pour savoir. Dis-moi. Ah, c'est pour savoir, Tunisiano, c'est mon rappeur préféré. Ah, merci. Je voulais savoir. Ouais, mais t'inquiète. C'est pour savoir quand tu viens à Bordeaux. Ah, écoute, j'étais de passage dans ta ville la semaine dernière. Oui, je sais, janvier, ça va mais, samedi dernier. Mais je pense que tu me demandes si je viens faire un concert chez toi, c'est ça? Oui, parce que je voulais venir samedi, mais je pouvais pas. Bah, en fait, là, pour le moment, il y a pas de date encore, mais pourquoi pas, ouais, dans la foulée. En tout cas, j'espère que ça va tomber au fur et à mesure. Ok, d'accord. Okay, en tout cas, je sais pas si tu me suis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur ma page. Mais hésite pas, tu vois, comme ça, en fait, moi, tous les jours, en fait, tu vois, je balance les infos où je suis, ce que je fais, et puis comme ça, je vous tiens au courant, moi, je vous tiens informé de quoi qu'il arrive, de toute façon. Ok, d'accord. En tout cas, bravo à toi. Hein. Bravo, Lilian. Et bonne continuation pour l'album. Merci, l'équipe. Et passe une bonne soirée. Ciao, Lilian. Ciao, ciao. Bon, bah voilà, la carrière résumée par Lilian à l'instant. T'as tout dit. Et ça continue dans quelques minutes, on va revenir, on passera du marqué à vie. Exact. Peut-être cet invité mystère qui va. Peut-être cet invité mystère. Attention. Tu l'as vu? Ah, tu l'as vu? Bon, attention, mais on dit rien. Voilà, on va pas en dire plus, on va le laisser se présenter au Chromie. Et ne bougez pas, on revient juste après ça. Parfait. Comme toi, Tunisiano a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap consacré à Tunisiano avec l'album Marqué à vie qu'on découvre. Et oui. Est-ce qu'on peut dire que l'invité mystère est arrivé? Ça y est, il est arrivé, il est à côté de moi, il est parmi nous. Donc rappelle-nous l'indice que tu as donné il y a quelques minutes avant son arrivée. J'ai dit, je vous le présente. Et après, ça faisait ça. Ça commençait par un A. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Vas-y. C'est ça, gros. C'est ça, hein. Ah, t'as bien rebondi, hein, t'es vif. C'est ça. Faut être un ancien pour reconnaître. Hein. Bon, après, c'est facile, je dis ton blaze en même temps. Sous-entend pour Tunisiano? Non, pour tout le monde, je parle pour les auditeurs. Faut être des anciens pour reconnaître. On les éduque, gros. C'est nous, on leur donne la bédérate. En forme? Ouais, ça va, en pleine forme. En PF. En PF. Je suis en PF. En PF. Mmh. Bon, bah, bienvenue dans le Planet Rap de ton pote, hein. Longue histoire, tous les deux. Ouais, c'est une sacrée longue histoire. C'est même une ça sacrée longue histoire. Depuis le collège, on a commencé en 5e. Mmh. On était ensemble, on a commencé à gratouiller des textes. Et puis voilà, maintenant, dis-toi, ça fait quoi, 20 piges. Ouais. 20 ans. 20 ans. Merdouille. Ouais. Ça s'est fait pour 20 ans. Passe, hein. Et je vous souhaite le double encore, d'ailleurs, justement. Voilà, merci, beau gosse. À passer ensemble. Et est-ce que toi, dans 20 ans, tu seras encore en train de présenter Planet Rap? Je pense pas, mais hein, sait-on jamais? Qui sait? On sait jamais. Qui sait? C'est-à-dire les rappeurs, ils durent plus longtemps. En train de t'ambiancer sur des sous-côtes allemands. Qui sait? Qui sait ce qui peut se passer dans 20 ans? L'avenir est à nous, en tout cas. Bah ouais, grave. Ouais, j'espère que je ferai encore plein d'albums. Bah voilà, plein d'albums. Pour Aketo, pareil, je crois que t'es en studio aussi, là. Ouais, tout le temps, toute ma vie, je suis en studio. Studio Life. Studio Life. Il est en train de préparer son projet qui arrive. On a balancé dans la nocturne ensemble. On avait balancé le premier extrait de son album qui s'appelle Une petite vie sans histoire. Il s'appelle Accoutumance. Donc je vous invite à aller l'écouter. Hein, il est sur YouTube. Et puis voilà, hein, ça veut dire ça annonce son album. Et puis Inch'Allah, il va arriver dans le courant de l'année aussi. Bon, évidemment, t'as écouté Marqué à vie. Bah, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu nous donnes ton top 3, toi? Mon top 3. Tiens, il y a les titres qui sont là. Tiens, grosso. Non, mais j'ai pas besoin des titres, hein. Je suis pas un cancre. Hein. Non, mais au cas, tu peux avoir des absences, tu peux. Non, j'ai pas besoin des titres. Déjà, le morceau avec deux coups, Marqué à vie. Lourd. Hein, je le kiffe. Il y a Val de Zouave avec Elieno. Hi. 5 Barrio. Val d'Oise, banlieue nord. Si. Franchement, dans l'ensemble, c'est un bon album de rap français qui fait plaisir. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Voilà, cet album, tu sais quoi, j'en parle. C'est pas mon album, mais c'est comme si c'était le mien. Voilà. Mais t'as pas donné le troisième titre, gros. Eh, c'est un bon album dans l'ensemble, il y a toutes les doses. Il veut pas donner le top 3. Non, il y a pas de top 3, c'est nous Sniper, on est de l'école du rire aux larmes, c'est-à-dire le rap c'est des humeurs. C'est-à-dire voilà, il y a des jours t'as envie d'écouter tel morceau, des autres jours t'as envie d'écouter un autre morceau, et c'est un album complet. En gros, il est en train de te dire l'album, il est lourd. Mon frelo Babache, il est en PF. C'est PF tout. Fort. Il a donné le meilleur. Et voilà, je t'ai dit, je t'en parle, cet album, c'est comme si c'était le mien. Je suis fier de lui. Je suis fier de son album. Marqué à vie. Voilà. Magnifique. Bah, ça, c'est l'équipe. Hein. Et bah voilà, c'est l'équipe. Qu'est-ce que t'as envie de mettre comme morceau, justement, pour l'équipe maintenant? Qu'est-ce qu'on met Bah écoute, j'ai envie de mettre Les oreilles qui sifflent. Voilà. Le titre. J'ai envie de le faire découvrir. Ça, c'est un morceau gros lyrique, saleté. Morceau vrai thématique. C'est un morceau qui me tenait à cœur aussi. C'est un morceau d'actualité. Et puis, je vous invite à le découvrir toujours sur une prod de Cory. Donc. Et bah, on va l'écouter maintenant. Laissez-moi vos messages par rapport à ce titre-là. C'est toujours la même chose. C'est hashtag Tunisiano sur Skyrock. Et puis, l'album, il est toujours OP. Il est toujours disponible depuis lundi. Et on aura un autre invité mystère qui est dans le studio. Voilà. Qu'on va présenter dans un instant. Ça, les gens, ils sont pas prêts de trouver, je crois. Si, tu peux dire, t'entends. Ouais, tu peux dire ça, ouais. Tu peux dire ça, gros. Faut être prêt. On verra si ça aide. Voilà. En tout cas, je vais juste dire Québec. Ah, voilà, c'est Pékin, quoi. Rive Sud. Céline Dion. Voilà, bah voilà, c'est bien. Bon, réponse dans un instant. Et le morceau tunisien qu'on écoute tout de suite sur Skyrock, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est lourd, Céline Dion. Y'a pas grand chose à faire, donc fais le bien. Si je suis ton frère, tu es le mien. À l'édifice, je mets ma pierre. Si on est plein, si on agit, on opère. On est la France de demain. Un mal qui empiète, distribue des étiquettes. Qui enlève le côté honnête, qui détruit et qui entête. Victime de ce que je reflète, nouveau mal de ce siècle. Le mal de mes ancêtres, une maladie qui me guette. J'ai touché le stylo, le cœur avide, pour tartiner des mots au goût acide. Je suis français, celui qu'on néglige. J'aime mon pays parce qu'il le dirige. Les gens sont sans pitié, de leçons sont des donneurs. Si faut que était un métier, y'aurait pas beaucoup de chômeurs. Abrutis par le quotidien, la charte et l'euro ne sont pas pro-palestiniens. Mais ils sont pro-B2O, instrumentalisés pour que les minorités se reconnaissent. Et pour pas être honnête, de la parole à deux trois marionnettes afin de nous valoriser. Excusez-moi, c'est des broutilles. France d'en bas ne ressemble pas à Rachida ou Malek Bounty. Noir ou blanc, il ressemble à tes frelons. L'aspect du sympathisant, mais le discours du colon. Les vrais penseurs ne sont pas dans vos débats télévisés. Juste quelques collabeurs qui parlent au nom d'une communauté. Diaboliser le musulman comme l'a fait Nicolas. Où ils font le ramadan, mais vous raquettez vos pains au chocolat. Du coup, les braves gens ont peur, ont la haine qui s'éveille. Vont chaque maghrébin, Mohamed Mera qui sommeille. Et là, le mal est fait, traumatisé. Les mêmes qui nous manipulent diront pas généraliser. Outils de désinformation fixés au téléviseur. Communication faite pour jouer avec nos peurs. Et ça marche, pour un rien on se clash. Dans la terreur on se cache, et sur l'étranger on crache. Et t'oublies tout le reste, vu que tu bloques sur un détail. Ta vie régresse pendant que tu broutes comme du bétail. Ils focalisent ton attention, t'es tombé dans leur manège. T'en fais une fixation pendant qu'ils suquent tes privilèges. Et le pire, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur faute. Ils arriveront à dire que le problème vient des autres. Et les autres, c'est toi, c'est moi, des jeunes en colère. Et la France ressemble pas à un dimanche chez Drucker. Y'a des gens qui galèrent, que vous laissez aboyer. 5 personnes pour un salaire, dur de payer un loyer. Noyé sous des tonnes de problèmes, le monde est stone. Y'a des mendiants et des roms, des mecs qui dorment dans le trône. Pendant que vous festoyez, personne vient leur prêter main forte. Donc voyez tout le mépris que je vous porte. Ils ont les oreilles qui sifflent. Lâchez vos messages, hashtag Tunisiano sur Skyrock. Gros, l'album c'est marqué à vie. N'hésitez pas à aller vous prendre chaud. Il est sur toutes les plateformes de téléchargement. Il est dans les bacs depuis lundi. Yep, 9-5. Petit capitaliste, dicte-moi mes codes. instrumentalise ma foi et mes dogmes à ta guise. Prends-nous pour des saltimbanques, idéalise ta morale régie par la loi des banques, par la loi des tanks. Tu vises le profit, tu divises, déguises des intentions et mets les gens en conflit. Ta devise n'est que boursière, pille une nation pour quelques actionnaires et un taux d'inflation choisi. Des adversaires imaginaires, des religieux actifs, tendancieux. On oublie qu'une guerre c'est lucratif. Des tyrans aspirant à prendre ce qu'on détient, ils vont attaquer l'Iran et dire que c'est pour notre bien. Les médias font semblant, complices de leur tromperie. On choisit leur camp et oriente le conflit. C'est les gentils hippies qui disent aimer le Coran et par dépit jouent à SimCity au Proche-Orient. Ils nous délivrent du mal, d'une utopie. Aujourd'hui être libre dépend de la puissance du lobby. Tu cries à la famille, t'aimerais changer les choses, tant pis. T'as vite compris qu'ici on n'écoute pas les pauvres, vu qu'ils manient les mots. T'es forcément parano, démago, hors propos, qui vient crier au complot. Et oui, si l'assassin est maghrébin, c'est qu'il fait son djihad. Si l'assassin est norvégien, il est juste fou et malade. Qui sert de pansement, qui sert de bouclier. Le musulman, la France des oubliés. Le bon exemple est celui qui gère l'info. La haine n'a plus besoin de Mein Kampf, fait la Charlie Hebdo. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu y peux vraiment? À part indigne et ne pas être indifférent. Faire le bon samaritain, ça paye pas, m'amène. Et par au bain des bois, faut déjà s'en sortir soi-même. Y'a l'Africain, le noir, y'a la lutte des classes. Toute l'année tu craches, y'a le chômage de masse. Les factures qui s'entassent, la justice qui avorte. À la ramasse, comment ne pas balayer devant sa porte. Fatigué de faire le moulin avant, l'impression de me répéter constamment. Tu vas faire quoi si on t'enlève tes droits? À part taper un coup de gueule et faire la grève du mois. Ils ont les oreilles qui sifflent. Ils ont les oreilles qui sifflent. Yeah, tenez tous les sons, Bawa. Marqué à vie. Disponible depuis lundi, ma gueule. Le 20 mars à la boule noire. Disponible sur iTunes. Lâche tes messages. Hashtag Tunisiano sur Skyrock. C'est toujours là-bas. Dédicace à la famille. Tous ceux qui nous écoutent. Merci pour vos messages, pour votre force. Marc Avi, le nom de cet album de Tunisiano, vous retrouverez ce morceau qui s'appelle Les Oreilles qui sifflent. Exactement. À l'instant. Voilà. Vous pouvez écouter dans Planète Rap entre 20 et 21. Keto est là ce soir. Ouais, il nous a fait l'honneur et le privilège d'être venu. Donc, de quitter son studio. De venir, pardon. Ouais, la vie, c'est pas que le studio, mais bon. Je sais pas, tu nous disais tout à l'heure que t'étais en studio tout le temps, donc c'est pour tout ça. Tout le temps. Voilà. Il est venu avec nous. Ok. La vie, c'est pas que ça. D'accord. Bon, il y a un projet qui se prépare pour Aketo, qui sortira à la courante de l'année 2014. Un de ces quatre. Une petite vie sans histoire. Mmh. C'est le nom de l'album. Mmh. Et il a balancé Accoutumance, le premier titre. Qu'on peut déjà donc, trouver. Voilà. Allez checker ça. Allez faire un tour. Un autre invité, je disais juste avant, force. Le morceau est arrivé dans le studio que tu as invité. Il est là avec nous, venu tout droit. Un invité, je pense que tout le monde le connaît, mais bon, je vais le laisser se présenter. Si, le roi Enoch est dans la putain de maison. Quelques instants, t'entends? Si, ma gueule. Je suis ici pour supporter mon poteau, t'entends ce que je veux dire? Les rebeux m'invitent à Skyrock. C'est ça, ma gueule. Hey, faites du bruit 9, pour le roi. 9-5 dans la maison. Alors, on était inquiets parce qu'on n'avait plus de tes nouvelles. Il n'y a que du love. J'avais un procès, donc j'ai relaxé, mais je suis de retour en force. T'as relaxé, tout va bien? J'ai gagné le procès, donc les choses se passent bien. Quoi. Ah bah, relaxé et gagné en même temps, c'est fort, bravo. Si. Ah, ça se ressemble alors, nous aussi on a gagné des procès par rapport à différentes choses. Ouais, et bah écoute, voilà. Le roi est marqué à vie, t'entends? Bah, et donc, petit séjour parisien? Ouais, pour faire des télés. D'accord. Et ça se passe bien pour l'instant? Ouais, grave. Vous me regardez sur Canal+, hein, samedi à midi sur Click avec Mouloud. Mm-hmm. J'ai défoncé sa mère. Eh ben écoute, ça c'est un teasing, putain. Bah voilà, ma gueule, ouais. Tu vois. C'est-à-dire que tu fais clic-clic, mais il a dit clic. Défonce ta mère. C'est clic, donc clic-clic, pow, sur ces négros, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous avez jamais fait de combinaison tous les deux, dis donc, Tunisiano et Enoch? Bah j'espère qu'on va en faire une tout à l'heure, on va freestyler gros. Ah bah il y a freestyle de prévu. Tiens, en parlant de freestyle, il y a aussi un freestyle par téléphone. C'est notre ami Frimo. Frimo par téléphone, c'est bien ça, hein? Ouais, Frimo, ça va quoi? De Clichy, yes. Ça va bien, Frimo? Tranquille-toi, Frimo. Mais tu as vu, il y a du monde, il y a Aketo, il y a Tunisienne, il y a le roi Enoch qui est là. Il faut complet là. Voilà, gros ça, Frimo, gros. Ça va quoi, Frimo? Et toi, tranquille? Tranquille, Alhamdoulilah, on est là. Bah, t'es venu donner sa salle? Voilà, je suis venu ça qui est dur comme d'hab. Ok, cool, gros, cool. Eh ben, on y va, on t'écoute rapper, Frimo, c'est parti. F-R-I-M-O, style. Clichy, soupe à mon fermeil. Boum, c'est ça les hommes. Eh, tu n'es sur Skyrock. C'est ça les hommes, hein. Écoute, parlons bien, parlons peu. Si le rap était une rose, elle aurait des épines. Fini le rap de bébé, je lui retire la tétine. Mon rap fait plaisir, y'a pas que la pluie qui mouille. Faut que je traille des MC, j'ai le vent qui gargouille. Ton futur gosse dira hostile. Avant ma mort, si le rap était une femme, elle aurait des amants. Eh pépép, dans le rap, on est la pépépép. Je vais prendre tous les pépépép, c'est mon côté pépépép. C'est pas la haine, si plus tu veux tirer, fais-le. Complé vite que ton ombre, si t'entends, fumez-le. Si j'ai plus d'encre dans ma plume, t'inquiète, y'aura ton sang. Baisse ta ton, MC, j'ai pas ton temps, t'es pas content, nique ta. Non, je déconne, ton rap c'est une beurette mélangée avec du bacon. Petit à petit, c'est mon truc et t'éboules comme un piranha. Je te gomme des gommes dans les cadres, où le mot rap c'est Chris Rihanna. Hostile, c'est ça les hommes. Ok, Frimo, terrible mon pote, merci à toi. D'ici la famille. Tu veux balancer quelques adresses internet où on peut te retrouver? Voilà, bah pour tous ceux qui veulent me retrouver, c'est simple, Twitter comme d'habitude. Frimo-du-bas officiel, F-R-I-M-O-du-bas officiel. On se follow. Follow-moi, gros, après ouais, je te follow, t'inquiète. Follow la famille. Et bah, merci. Ah ouais, j'ai une question à te poser, ah la galère là. Vas-y. Bah, avec ton expérience dans le rap français, tu vois. Ouais. Tu penses quoi du rap français de maintenant? Bah franchement, bah, sincèrement, autant les sonorités ça me parle, mais les textes en ce moment je trouve que ça pue un peu la merde. Mais bon, après voilà, c'est comme ça, tu vois. Maintenant on faut laisser place au roulement, faut laisser place aux lyrics, où parfois on raconte souvent pas grand chose. Et puis c'est juste ça qui me fait yèche. Après au niveau des sonorités, des prods et des flows, j'avoue que c'est énervé quand même. C'est bien. Aketo, pareil, t'as le même point de vue là-dessus aussi? J'ai pas suivi la discussion. Non, parce qu'en fait Frimo demandait ce qu'il pense du rap actuel tunisiano. Le rap actuel, c'est comme le rap ça a toujours été. Il y a des trucs qui puent la merde et il y a des trucs qui sont bien. Donc il y a toujours à boire et à manger, hein. Why not? Si c'est Caris le futur. Moi j'aime bien le rap actuel. Caris. Tu tires ta tête haute, t'entends? C'est vrai, mais bon, 9-3 debout, t'entends, pour Caris. Du putain de lourd sur 2014. Voilà. Les vrais reconnaissent les putains de vrais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Wynok qui est dans la maison, qui est dans le building, comme c'est on dit. C'est ça qui se passe. Comme on dit là-bas au Canada et dans les States d'ailleurs, on dit dans le building, hein, Wynok. Dans le bâtiment. Dans le bâtiment aussi. Et vous donnez de la force. Dans la maçonnerie. C'est aussi une autre version. Merci à toi en tout cas, Frimo. Si la famille, un gros big up à vous tous et bon courage pour la suite. Passe une bonne soirée avec nous. Donc Roy Enoch qui est là, qui a débarqué. On en est où dans la collection d'albums là? Il y avait Cocaïno Rap Music, c'était volume 3, non? Non, il y a Noir et Professionnel qui est sorti le 12 du 12 du 12. Avec... c'est en 2012. Ouais, il y a Raekwon dessus, il y a Green Money. Tu vois, et la nouveauté c'est Calico Music avec Godfather Part 3, le 11 septembre, Calico Music. Donc ça, c'est le... ça, c'est un album... mais quoi, 11 septembre... 2014. D'accord. Moitié en français, moitié en anglais. C'est pour rappeler mes sources et mes origines. Tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment montrer de où ce que je viens sur cet album, Calico Music. Les vidéos sont filmées sur Queensbridge et j'ai fait la production sur Montréal. Très bien, donc ça faudra attendre à la rentrée. Ouais. Exactement. Septembre 2014. Carl Combi, vous êtes déjà en rentrée. Des salutations à Godfather Part 3, Green Money, t'entends ce que je veux dire ou pas? 7-8 trap. Après, les gens peuvent le découvrir, tu vois. Ils peuvent le découvrir sur YouTube ou autre chose, qui ne connaît pas Roy Enoch. Exactement. Vous étiez croisés déjà tous les deux? Il me semble qu'une fois je l'avais croisé, c'était rapidement, mais après, depuis, non. Mais bon, c'est un kiff de le voir. Et bien maintenant, vous allez vous croiser en live. Pourquoi pas? Enoch, petit freestyle ou si, le roi est... Il n'y a pas de souci. Le roi est en mode repos là sur Paris, non? Il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt 24 heures, mon frère. Eh ben écoute. On va kicker ça, gros. Ça tombe bien, il est 20h49. 9-4. Session freestyle dans l'émission tunisienne. Aketo, le roi Enoch. Le roi Enoch. 9-5. 9-5, c'est ici. 7-7. 9-5. 95 pouces. On est avec Tchèche, on est avec le roi. Il y a du monde dans le studio ou pas, les gars là? Comment ça? Comment ça? Mon jeune négro. Le roi Enoch est comme Tony Montana. Même lorsqu'il ment, il dit la vérité. T'inquiète, dans ma roulette, pour ses houlettes, il y a des boulettes. Bang bang, c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de problème, on est tous des soldats. 9-3, j'opère pour Mousse, lui amène la coca pour sa compilation. Je sors les chiffons, nettoie mes canons. J'ai l'habitude d'entretenir les pistolets avec de l'huile, une brosse à dents et un chiffon. Après ça flingue mieux. Lorsque je dégaine recharge, j'ai fait aller. C'est pompeux qui vous fait pomper et prendre la fuite comme des gonzesses, des fillettes. Et après vous courez vous cacher chez les filles. Tu veux tester en même temps des lattés, branche-toi avant de mourir pour toi avec les caliques. 40 ou 38, je préfère les revolvers car la douille ne bloque jamais. Et mon jeune négro, et mon petit négro, mon jeune négro. Mon Tu vois ce qui se passe ou quoi à Paris? Hein? Ça se passe, Skyrock, ouais, le roi est mort. Hein? Kavi. Ton rêve s'est réalisé, négro. C'est vraie merde sur Skyrock pour une fois. Ouais, salutations à toutes les putains cités. Yeah, yeah. Hein? Alibi Montana. Ouais. Ok, ok. Marqué à vie. Ouais. Marqué à vie, frère. Marqué à vie. Marqué à vie. Marqué à vie, frère. Marqué à vie. Je balance des rimes en couplet. Rien à foutre si je dérange. Laisse-moi l'instru, je les découpe. Et y'a qu'à ramasser l'étrange. Et bouge la tête et les hanches. Pour m'en sortir, j'étouffe et j'ai tendu la main aux hanches. Mais ces enfoirés l'ont bouffé. Différents sont mes penchants. Pas mal de choses nous séparent. Y'a pas grand chose qui m'enchante. Excepté faire des gens à banlieusard. Incompris, pas fait pour donner la patte. Diplomatie du tien, car on ne sait que parler à la batte. Ou bien regarde les chats passer. S'il y a de la frappe, tire sur des joints mal tassés. C'est comme ça que les frères s'échappent. Hey, mise en cloque, quand la vie est stone. Et ben les frères speed, mise en trope. Dans l'œil du cyclone, on porte l'aïn. Mais encore, je suis pas une icône. Je suis ni has-been. Tout d'abord, j'aime pas mentir au môme. Je suis pas là. Je fais mal, donc la rime s'y prête. Je ne sais que faire du sale. Je suis pas ta gentille marionnette. Il était temps que je lâche le vrai missile. Le rap menace parce qu'il est devenu tellement prévisible. Chacun sa mère, chacun son camp, chacun sa catégorie. Pas tant à plaire, ça m'intéresse seulement quand ça fait goli. Le rap a le public qu'il mérite. Y'a tellement de fans golio qui pètent une jurite sur les réseaux d'Ascension. Ça vole trop haut, au-dessus c'est le soleil. Hey, plus besoin de mettre de l'oseille pour avoir une bonne promo. J'ai même fait dans le porno. Qu'est-ce que je peux faire de pire? Ouais, je suis un sniper, mais j'ai souvent joué qui fait le tir. Passe le micro, je vais chiffler petit, les sacs et de prendre les malades, des rimes qui viennent d'une autre planète. Je marche solo, al, colossal, roloto. Mais son discours à Joe, on peut racram pour loco. C'est comme ça que ça se passe, venimeuse musique. Aïe. Marqué à vie, 95 couses. Malfaï représentant. Eh, ça y presse, ça y presse. Fais-nous un kiff, balance, balance une autre prod, gros. Hein, on s'amuse un petit peu. La cousin, ici c'est Tristan, Marc-Henri, c'est Nancy. Son art hyperactif comme si j'avais bu 12 cafés. Je me fais rare comme un com positif sur 12 cafés. Je vis à l'écart pendant que c'est que les bars ne font que taper. Couche tard, va savoir pourquoi ils veulent tous frapper. Grand trafiquant, les narines pleines de perles. Côté déviant, sont stupéfiants autant qu'un cycliste italien. Je parle pas les miens, j'ai l'âme du compétiteur. Des rappeurs crèveraient pour être entêtés sur Twitter. Allez bien, frérot, je te mets bien. Depuis l'enfant, je crée des cartes. Choquer la France, 95 nectars. Tous ces chiens sont tricards et minables. Toutes leurs conneries m'indiffèrent, inimitables. Mais ben relax, peu à un avenir incertain, impuissant, je constate. Sur les propos à guerre, là, je libère la prostate. Loin de place Vendôme, de l'avenir un rockstar. Maître de mon royaume, le roi d'un château. Tu veux faire un peu de promo? Franchir des barrières. Parle pas de juifs et d'homo si tu veux un semblant de carrière. D'ailleurs, parle plus de rien. À l'heure où les lobbies nous font mentir, repli communautaire nous a montré que l'on ne peut plus rien dire. Les gars, 9-5, tu marques et avis. Dans les bacs, Roy Enoch, Aketo, Marlison, l'album est dispo. 9-5, Je fantasme pas sur la vie de Youvois. Les seuls que j'envie sont les champions, les seuls à mes yeux qui sont de vrais champions. Je fantasme pas sur la vie de star adulée. Si j'avais pu, tu m'aurais jamais vu à part cagoulé, capuché, postiché. Mon nom est personne. Comment je fais ma promotion? Mais toi ton fion envoie le son et je performe hyper sombre, hyper paro. Dans le nord de Paris, faut que je m'organise ma gueule, faut que le brouillard s'estompe, que la paye tombe et qu'elle reparte. Hélico, le 10 du mois, c'est déjà que je me demande pas ce que je bricole pour joindre les deux bouts. Activité légale et lucrative, j'suis grave limité, c'est là que j'perds le tarif. Casse-tête de fou. Les histoires de rappeurs, qu'est-ce que tu veux, ça me fout, ça me saoule, assoule à vous de sucer, pas me foutre. Fin de vous, commençons déjà par faire de la bonne musique. J'suis dans le milieu, mais j'suis avant tout dans le public. T'as compris ou pas? C'est toi, Kirby, Jacques, Microbe, Léon Wab. Ok, ok. Change-moi ça. Bon, hey, l'album c'est marqué à vie. C'est ça. J'espère qu'on vous a régalé. Yep. J'étais en compagnie du roi Enoch. Ouais. En compagnie d'Aketo, mon frérot. En live. Merci d'être venu, les frères. Merci à Keto d'être passé. On va, de toute façon, on va se dire au revoir. On va faire un petit tour de table, évidemment. Merci au roi Enoch d'être passé. En tout cas. Avec plaisir. On a écouté un morceau inédit qui nous a fait en live. En direct. En direct. Merci, merci en tout cas d'être venu. Et ben, merci d'être venu. Si, y a pas de souci. Ouais. Et bon séjour. Bon séjour parisien. Qu'est-ce qu'il y a, Keto? Ouais, non, y a rien, mais. Ah, je pensais que tu voulais ajouter, j'ai entendu. Je voulais ajouter que Aketo il est là, en planque sur le Teco, chef sous-marin, je suis là dans les profondeurs, deep chech. Pour projet il arrive. Poursuivre mes aventures, c'est @Aketo officiel. Officiel Aketo sur Facebook, voilà toutes ces conneries de réseaux sociaux, je suis là, je suis présent. Normal, normal. D'ailleurs voilà. Pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir nous suivre. Hein. T'as vu, moi c'est @tunisniper. Et puis voilà, pareil, on a notre page Facebook. Et surtout le truc à retenir, c'est quoi? C'est que Marqué à Ville est dans les bacs. Depuis lundi. Si je suis là pas, t'es déjà en retard. Il y a le concert à la baignoire. Le 20 mars. Le 20 mars. Voilà. Merci pour vos messages en tout cas. À pas louper le 20 mars à la boule noire. On va revenir demain entre 20 et 21. Mais juste avant, on fait tourner la roulette, c'est parti. Bah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ah oui, la roulette, c'est vrai. De concert Stromae. Avec Priscilla de Malensac. Ça va bien, Priscilla? Ouais, ça va très bien. Bah ouais, je te présente, il y a Aketo, tout le monde. Le roi Enoch. Est-ce que tu connais le roi Enoch, Priscilla? Oui, oui, je le connais. Et bah il est là. Peut-être voilà, qu'il va offrir sa chaîne dans la roulette, ce serait bien. Tu veux... Bah ouais, c'est qu'à faire. Des câbles sont diamantés. C'est du vrai, ce que t'as autour du cou. 14 carats montés sur des diamants. Ah bah je me disais merde. Arrête. Ça, c'est normal. Hein. Et bah c'est à gagner maintenant dans la roulette, Priscilla. Dès que tu veux, tu dis stop. D'accord. Un minimum, ouais, c'est vrai. 14 carats. Priscilla, la roulette qui va s'arrêter pour toi sur... Qu'est-ce qu'elle gagne ce soir? Les places pour Stromae en concert. Ah, trop cool. Mais bien sûr, c'est le même cadeau en fait. C'est un peu la roulette de Stromae, donc. Putain, heureusement que. À tous les coups, tu gagnes. C'est pas mal. Et ben voilà, c'est pour toi, Priscilla. Merci, ça déchire. On te fait un bisou, on t'embrasse, passe une belle soirée. La bonne soirée à vous aussi. Ciao. Merci, Tunisano, pour cette belle soirée. En tout cas, on était bien avec Aketo qui était là. Merci, Fredo. T'as vu, je t'ai régalé. Des beaux régalé. Marqué à vie. Roi Enoch, que j'ai pas vu depuis un moment. J'étais un peu inquiet, ça fait plaisir. Il est en pleine forme. Y a pas de souci. Il est toujours là. Il est toujours là. Toujours présent. Et puis bientôt des concerts ici en France ou... J'essaye de m'organiser. Tu vois ce que je veux dire? Car le procès m'a retenu, tu vois. Bah oui, mais t'as été relaxé et t'as gagné. Pendant 6 ans, tu vois ce que je veux dire, se battre. Mais là, je suis libre. Et j'arrive pour foutre le bordel sur Paname. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très bien, bah écoute. Ouais. Salutations à Kennedy qui est dans la maison. Ah mais ici. Respectez le vrai rap, les vrais nègres qui font les vrais choses. Grosse salutation à mon poteau. Si. Mais je l'avais pas vu, tu l'as vu arriver, heureusement. Ouais, négro. Tu as bien suivi, il y a un peu de monde en même temps dans le studio. C'est vrai, Kennedy? En pleine forme? Si. Eh, c'est familial, gros, il y a du passage. Ah oui, on est passage. Là, il y a des gens, ils viennent nous donner de la force, c'est magnifique. Bon, bah, mon poteau Ousni aussi. Les grandes salutations, Sefio aussi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Car on oublie vite ici. Hein? Bien que l'équipe. On n'oublie rien, nous, on a bonne mémoire, nous. On est déjà, on a très bonne mémoire. Si, 9-5 dans la maison. Salutations 95, Deuil-la-Barre, La Galatée, Épinay-Ville-Tanneuse, Saint-Denis. Voilà, tant qu'on y est dans les salutations. Bon, les salut. Eh bien, merci et salut à vous. Rencard demain pour Tunisiano pour la dernière entre 20 et 21. Vas-y, demain, on finit en beauté. Demain aussi, j'ai des beaux petits invités. Et bah, freestyler salement. Et bah, soyez là juste avant 20h et là, on va retrouver D-Fool maintenant. Ah ouais, et nous aussi, on a un invité ce soir, un invité mystère qui viendra nous rendre visite. Enfin, qui viendra nous rendre visite, qu'on aura au téléphone ou qui viendra peut-être dans le studio. Je sais pas, encore pas surprise. Mal, ça, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, en tout cas, juste pour dire hier, D-Fool. Ouais. T'avais dit, c'était à la fin du bal qu'on payait les musiciens. Et ouais, à propos du match du PSG. Comment ça s'est passé? Voilà, ce qui s'est passé, Samy, il est où? Admettons. Samy, le roi des pronostics. C'est marrant, à chaque fois qu'il fait un pronostic, il se plante. Non, j'étais content 5 minutes hier, c'était bien déjà. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, le PSG s'est qualifié, t'avais raison, Tunisiano. Ouais, bien joué. Exactement, je savais, gros. Et demain, on te retrouve juste avant 20h pour une grosse, grosse soirée, la toute dernière de la semaine. On compte sur toi pour tout déchirer. Ouais. Et je viendrai peut-être vous faire un coucou après. Quand même, oui. Bah oui. Un minimum. Et bien, demain, on te retrouve déjà dans Planète Rap. Et puis, et la suite derrière. Merci, l'équipe. Merci, Tunisiano. À bientôt. À demain. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver tous. Et là, j'espère que ça vous fait plaisir de nous retrouver aussi. On arrive dans un instant, la radio libre en direct sur Skyrock. C'est parti, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Il y a du monde sur Skyrock. Vous tous aussi, vous pouvez débarquer. Allez-y, profitez. Les réseaux sociaux, vous les faites péter. Comme on disait il y a un instant, les putains de réseaux sociaux, vous les faites péter. Les messages sur le 41759, le skyrock.fm aussi. On vous attend tout de suite avec toute l'équipe. Radio libre, c'est parti dans une minute. À toutes. À tout de suite.